Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, votre rendez-vous, c'est le rock, musique expérimentale, punk et tout un tas d'autres choses comme ça. C'est donc Lost in Space sur Radioactive 100 FM de 21h à beaucoup plus tard dans la nuit. On aura plein de choses ce soir, vous allez entendre tout ceci et on commence immédiatement avec un rock un peu bizarre, c'est celui de Condense. C'est parti. We'll be right back. et Sons of Bidolito à l'instant sur Radioactive. On continue en musique avec Fuzz et puis il y aura quelques extraits d'interviews qui étaient déjà passés dans une autre émission de notre chaîne de radio, votre chaîne de radio favorite. C'était Sergio Martino, cinéaste italien avec un accent chantant et qui va donc entrecouper, interluder, on va dire, les différentes pistes. Mais pour l'instant, c'est Fuzz. We'll be right back. J'ai fait ça, c'est aussi en Kennedy à la Volte, j'ai fait la séquence de Chambrun, que j'ai tourné la séquence dans une atmosphère comme c'est ici, cherchant les crépuscules, comme tramonto, comment dire, le sunset. J'ai tourné une séquence tout dans le sunset, mais sunset artificiel, parce que j'ai eu l'impression d'avoir une journée comme ça, comme aujourd'hui, à part le soleil. Dans la situation des arbres, tout ça, j'ai tourné la séquence de la mort de la fille blonde, Christina Rodi, qui l'est prévue de nuit. Et si je l'ai tourné pendant un jour, c'était parce que je l'ai tourné des jours, sinon si je dois la tourner de nuit, c'était difficile dans les périodes. Parce que faire l'illumination de la nuit, changer la position des caméras, des lumières, c'est plus long, ça va perdre du temps. Et aussi, j'ai fait cette économie, on dit, je l'ai fait aussi en Quintorso, dans la séquence, avec toujours Christina Eroldi dans la séquence, dans la bruit, qui est tournée, dans laquelle elle va mourir dans la forêt. C'est magnifique, c'est une séquence. C'était prévu de nuit, je l'ai tourné des jours, parce que la saison c'était octobre, il est très froid, et mettre une fille dans l'eau, c'est pas facile. Avec des jours, c'est possible, des nuits. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock il a fait sur les vrais eaux dans la terre. C'est pas artificiel, rien. Hein, c'est tout et aussi, George Hilton a fait une séquence qui quand il va mourir, il était dans la terre, il a pris la terre dans sa bouche. Dans ces périodes, il y avait beaucoup de acteurs qui aimaient faire les choses vraies. Avec beaucoup des autres acteurs, on ne pouvait pas jamais prendre la poudre dans sa bouche et tout ça, vous savez. Il était jeune, tout le monde était jeune, il avait eu la chance de faire des choses aussi. Maintenant, il y avait des séquences, j'aime beaucoup les séquences avec le mood. c'était crépusculaire, c'est surtout parce que les villages, ils étaient fatiguants, comme on dit fatiguants, n'étaient pas si vieilles. Il y avait, alors, pour chercher de ne voir pas tellement les problèmes, parce que c'est longtemps qu'ils ne faisaient pas de western en Italie. Et les villages qu'il y avait dans les studios, c'est trop, c'est pas rénové. Et pour ça, j'ai pu chercher de ne voir pas tellement les difficultés des constructions qui étaient très vieilles. On peut voir la lumière entre les façades, qui n'arrivait rien. On a cherché de faire toujours le smog et la pluie. C'était l'escamotage toujours pour... Comme toujours. Mais dans tout cas, c'était fait qu'il y avait beaucoup de succès aussi. Je me souviens qu'il y a des séquences que quand je les vois maintenant encore, je l'aime beaucoup. Les séquences de commencement du film, le début du film, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Je l'ai dit moi-même, parce que maintenant, avant, je l'ai tourné en 78. Maintenant, ouais, 78, 30 et plus années. Et si je dois le retourner, quelquefois, quand je vois mon film, je dis ce film, puis je pouvais le tourner dans des moyens différents. Après mon expérience, après les styles qui se changent. Mais si je dois revoir cette séquence, j'allais le tourner dans les mêmes. Vous ne changez rien. Je dois faire mon film que j'aime beaucoup et prendre sa part de ces films. Avec le commencement de Manaya, c'est mon film préféré. Après, je peux faire des autres séquences entre les autres films. Aucune séquence de Madame Ward, si je vais les tourner aujourd'hui, je les change aussi en torse. Si je vois torse aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques séquences sont prêtes de mieux. Cocktail revisionists. so kids, hit me and sing the boy in them. Hedgecast heroes laid across the lawn, and the valley hunt militia men all gone. Thought we had the lock in 54, now the maid owns the house next door. What's more, swims in the pool she used to clean. Our new king looks like the queen. Leave me. The empire's more than you. It's like the Lord trying to bless you like it's purple. la séquence que tout le monde aime beaucoup et que ouais. Quentin Tarantino, on connaît la longueur de chaque plan. Et ça, c'est arrêté à moi. Mais l'idée que aussi le CD Ernesto Gastaldi, c'est l'idée très jolie de ghiaccio dans le, qui va fermer la porte. Stranger sur le signor World, pour démontrer qu'elle s'est suicidée, les assassins mettent les glaces sur oui, je le sang. Et je construis une séquence entre les temples qui va et les personnes qui cherchent de sauver la fille qui est en train de mourir avec le gaz. Et ça, c'est une séquence surtout sur le montage qui donne, je crois, une très belle intensité de motif. Non? We'll be right back. La psychologie la plus élémentaire étaye le rejet de l'abstraction morale dont le sentiment de respect dans sa prétendue incontestable factualité tient lieu d'argument. Elle décrit en effet ce sentiment non comme un donné mais comme le résultat d'un processus, le produit d'une maîtrise de soi durement acquise. Ainsi nous apprend-elle comment l'enfant refuse spontanément la distance tout en s'arrachant avec peine à son égocentrisme naturel. Comment il résiste aussi à privilégier l'humain en tant que tel et parvient difficilement à se déprendre de l'attitude animiste par laquelle il sympathise avec la création tout entière. Incapable de respect par le fait même, puisque réfractaire à l'altérité et à la discrimination entre lui et les autres, entre l'animal et l'homme, l'enfant est sans obligation. Autant dire qu'il pourra indifféremment respecter ou non, aux yeux des adultes et selon les aléas de l'heure, les pelouses et les arbres, les samoyèdes et les lapons, ces fameux laissés pour compte de l'humanité selon Kant, les coccinelles et ses parents. Hâtons-nous d'admettre que la psychologie est toujours élémentaire, elle dit la violence et le chaos dont nous sommes issus et qui ne cesse de miner nos sentiments les plus majestueux. Free time. Élaboré, sans doute, la phénoménologie ne permet pas davantage de naturaliser le respect. Elle révèle combien est équivoque la perception de l'autre que soi et rend ainsi énigmatique la position absolue d'autrui, comme à la fois autre et semblable, qui manifeste le sentiment de respect. La question reste ouverte pour la phénoménologie de savoir comment celui qui me fait face peut bien m'apparaître autrement qu'une simple chose. Comment mon vouloir se révèle capable de poser sa limite en posant un autre vouloir à titre de cran d'arrêt à mes prétentions à l'universelle domination. Sans être un fin connaisseur de la tradition phénoménologique issue de Husserl, Georges Bataille s'est attaché à souligner l'équivoque qui fonde l'humanité et précarise les normes dont elle se prévaut habituellement. Il l'a fait par exemple en analysant la naissance de l'art à Lascaux comme une façon pour nos lointains ancêtres de commémorer leur impossible rupture avec le monde animal. L'art préhistorique, tel que le révèlent les premières peintures rupestres, exprime à ses yeux le vacillement des limites, quelque chose comme l'expérience d'un sacré offert à la transgression constitutive de l'humain. L'animal, c'est l'autre et c'est moi, mais je n'en perçois l'ambivalence qu'en le mettant à mort, ou du moins en le représentant tel qu'il m'apparaît, sans la distance d'où surgirait sans doute la terreur. Le sacrifice rituel procède du même geste. La victime, c'est l'autre et c'est moi, mais je ne saisis son étrange proximité qu'au moment de ruiner son intégrité et de la restituer à la continuité de l'être dont je relève moi-même, à la mort qui constitue notre commune impossibilité. La transgression est bel et bien le révélateur de ce qui donne son intensité au respect. L'expérience érotique en témoigne aussi quand la femme se montre soudainement l'autre absolu, à la fois Dieu et putain, comme Madame Edwarda, et force le respect dans le temps même où elle s'abandonne aux sans limites de la jouissance. La vérité du respect triomphe là, dans ce glissement vertigineux, par quoi le même s'abîme dans l'autre, assurant cette communication fondamentale que toute morale refoule. Nothing simple. no respect or meaning. Why the screaming when he's gone? Old and hostile, fists are pounding. Nothing simple, no respect or meaning. Why the screaming when he's gone? Burn the house down. plus vulnérables à l'équivoque de l'humanité, la jeunesse n'est justement pas portée au respect qui signale toujours, selon elle, la présence d'un monde exsangue, unidimensionnel et étouffant. René Dommal le dit avec une certaine emphase, « Ce que l'adolescent comprend, ce sont les coups de marteau de son sang, c'est le désir de jouissance de toute sa peau. Mais il veut comprendre ou détruire, il détruira. » Le voilà parti en guerre contre le monde. Il a résolu de prouver au monde qu'il défiait son ordre. Il s'attachera à ne rien respecter, il sera sacrilège, aura le goût des messes noires, il lancera des bombes dans les réunions publiques, insultera les hommes célèbres, prêchera l'anarchie, il volera, il tuera. Si, comme il arrive presque toujours, il se trouve trop faible pour cette révolte violente, il dira « Je suis un lâche, mais c'est ainsi ». You. Il n'empêche, l'essentiel est que jeunesse se passe, sans remords ni contrition, dans le refus de tout ce qui attente, selon elle, à la vie principalement, la déférence aux anciens qui imposent les traditions, la soumission aux institutions qui édictent les interdits et conjurent l'espoir d'un renouveau. Qu'il est donc ennuyeux de respecter les pelouses et les promesses, les faibles et les grands, les croyances et les douleurs, les monuments et les lieux. Plutôt la culpabilité que l'ennui toujours mortifère. Que ce monde est donc lourd de n'offrir à l'appétit de nouveautés de la jeunesse que d'éternels objets de culte pour l'édifier. Comment l'irrespect ne serait-il pas l'impératif de l'adolescent, sa réponse à sa volonté de jouir, sans délai et d'abolir la distance qui isole et dessèche. Running on empty, I cut myself. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Radioactive, Lost in Space, votre rendez-vous rock'n'roll du dimanche soir. Pardon. À l'instant, on a eu Mike Kroll qui nous chantait Suburban Wasteland. On continue maintenant avec nos rubriques récurrentes sur l'underground musical français. Bouquin de Dominique Grimaud qui va nous permettre de nous plonger dans les choses un peu bizarres. On aura du Pascal Comla, du François Tusk, Michel Portal, Bernard Parmigiani, vous allez voir. Un peu de culture rock'n'roll dans ce pays. Dans une même veine collectiviste, François Tusk est l'instigateur d'Intercommunal Music, avec parmi les 8 musiciens Alan Silva, le batteur Sonny Murray, Beb Guérin, pour un disque publié par le label Shandar en 1971, dernière année où la présence américaine est encore forte. Sylvain Murray reste en France. Là, Ensemble of Chicago, Shep, Braxton repartent aux États-Unis. Passé le moment des revendications politiques et du bruit expiatoire, le free jazz révèle certains contresens, telle cette esthétique du cri, de la véhémence qui engendre ses propres gimmicks, faisant parfois du free jazz un style identifiable alors qu'il se voulait au départ un anti-style. La porte de sortie est entrouverte en établissant de nouvelles règles de création collective improvisée. Il est interdit d'interdire et l'on peut s'autoriser le recours à l'écriture, à la composition des thèmes, à l'établissement de repères qui, sans non plus être des contraintes absolues, apportent une cohérence. Comme le montre en détail Vincent Cottreau dans son admirable étude « Chant libre, le free jazz en France 1960-1975 », cette voie a été empruntée par plusieurs collectifs français formés dans les années 67-70, dont le Free Jazz Workshop de Lyon, fondateur avec le Marvelous Band en 1976 de l'ARFI, Association à la recherche d'un folklore imaginaire, le Coelmec Ensemble, le Dharma ou encore le Mashi Hool Big Bang qui réunit des musiciens venant de ces divers collectifs. Le Dharma était en fait une véritable communauté vivant à Nanterre avant qu'elle ne parte s'installer quelque temps à Annecy en 1971 pour participer, tout comme le batteur Jean-François Fabiano et l'Ixtet, autre formation free de l'époque, aux activités d'Annecy Jazz Action. Thank you. les musiciens de jazz français ne rejettent pas le modèle afro-américain. Ils mettent au contraire à profit la grande marge de liberté qui leur est proposée pour décrocher de cet axe majeur, partir en roue libre, en puisant dans toutes les traditions et faire de l'improvisation libre une jouissance ultime du présent. Ces années d'autonomisation du jazz français trouvent un point d'ancrage historique lors du concert donné par un autre collectif, le Michel Portal Unit, le 23 août 1972, au Festival de Château-Vallon. Michel Portal, Bernard Vitet, Beb Guérin, Léon Francioli, Pierre Favre et Tamia furent unanimement salués. Dans Jazz Magazine, Francis Marmand décrira « Jamais dans ces tensions et douceurs forcées par Pierre Favre aux percussions, dans cette sérénité pathétique, la musique d'Albert Ayler fut moins jouée et mieux poursuivie. » Ce concert marquait aussi la découverte de la chanteuse Tamia, dont la pratique vocale viscéralement saisissante se développera plus amplement quelques années plus tard. Thank you.

Thank you.